Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Comment pousser les bords du monde? Un feuilleton de François Bon. Huit, il n'y a pas de message. L'autre face de Bob Dylan. In the wild cathedral evening, the rain unraveled tales for the disrobed faceless forms of no position. Dans un soir comme une cathédrale sauvage, les contes fous de la pluie, pour les corps nus et sans visage ni forme, with no place to bring their thoughts, all down in taken for granted situation. Et qui n'avaient plus de langue pour crier leurs pensées. Tolling for the deaf and blind, tolling for the mute. Et se dissolvant dans les cloches de lumière, appelant les rebelles, appelant les ratés, appelant le pas de chance, l'abandonné, l'oublié, appelant le proscrit, celui qui brûle au bûcher. Et nous, on les regardait briller. Le timbre de la liberté. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Un nouveau Dylan. Des paroles décalquées presque de Rimbaud. Et si tout Dylan était dans ce presque, ou dans l'irrespect même. Dans ses chroniques, il serait dangereux de croire Bob Dylan uniquement pour ce qu'il affirme. Pourtant, une page étonnante concerne sa relation à Suze. Elle travaille pendant un temps, scénographe, dans un petit théâtre de Broadway qui monte l'opéra de Quatre Sous de Bertolt Brecht. Les chansons de Kurt Weill lui sont une révélation, et particulièrement la complainte de Mackie Messer, Mackie au couteau. La langue était dure, les chansons bizarres, arythmiques, saccadées par des visions étranges. Le monde entier confiné entre quatre rues. On devinait plus qu'on ne voyait. Ces chansons semblaient avoir un couteau dans la poche. Elles vous fondaient dessus. C'était comme si je n'avais pas mangé, pas dormi pendant deux jours. Pour dire l'effet que lui produit Brecht via Kurt Weill, Dylan évoque un souvenir d'enfance, de Duluth, avant Ebbing. La ville quittée à 6 ans, le lac supérieur que remontent les grands cargos venus de partout, avec leurs cornes de brume. Il dit « Petit, j'étais frêle, introverti et asthmatique, et ce bruit était si puissant, si pénétrant, que je le ressentais dans mon corps comme si j'étais creux au milieu. » Alors tout d'un coup, Dylan parle de la technique de la chanson. Je me suis retrouvé à la décortiquer, à essayer de comprendre comment elle fonctionnait. Tout était apparent, visible, sans qu'on le remarque vraiment. J'ai fini par la déboutonner. Elle tirait son tranchant de ses couplets irréguliers. Le phrasé du chant ne suit pas la ligne mélodique. Celle du refrain, en revanche, collait aux paroles. J'ai commencé à jouer avec ses formes pour essayer de piger, pour que la chanson transcende à la fois l'information, le personnage et l'intrigue. Ainsi, l'apport de Suze pour déclencher son écriture, ce ne sont pas ses engagements militants pour les droits civiques. C'est de l'avoir propulsé dans le monde de l'art contemporain. La peinture et les poètes d'un côté, le théâtre de Brecht de l'autre. C'est pour cela qu'il bosse autant, Bob Dylan, avec sa machine à écrire. On est en 1964. Son deuxième disque commence à se vendre massivement. Le troisième est en route. D'autres chanteurs, et principalement le trio d'Albert Grossman, Peter, Paul and Mary, lui procurent des bénéfices déjà imposants. En avril, il aura son premier concert seul au Carnegie Hall, le vrai, pas la petite salle à côté. Mais ce n'est pas par hasard. C'est qu'il a compris comment une chanson s'élabore. Ainsi, l'hymne qui serait la conclusion du Bob Dylan de légende. le Dylan qui a la conscience d'une société troublée, une société qui se cherche. Tout cela qui est venu en moins de 2 ans, qui collera définitivement à Dylan alors qu'il ne reviendra plus traverser ces zones. The times they are changing. Dans les conférences de presse, exercice toujours plutôt vide, qui suivront dans les prochaines années, on demande toujours à Bob Dylan, mais c'est quoi votre message ? Il y a une forme, une adresse, une exhortation. Venez par ici, vous tous, où que vous soyez. Il y a les images surgies de l'inconscient pour coller au monde en détresse. Pas d'illusion à se faire, l'eau commence à monter, et si vous croyez mériter d'être sauvé, alors nagez, sinon vous coulerez. Des images vaguement surgies de la Bible qu'il découvre. Le retour récurrent de l'exhortation. Vous, les sénateurs, les députés, ne restez pas là à coincer l'entrée, nous on veut passer. C'est cela et rien d'autre, la politique Bob Dylan, mais c'est assez pour tout faire trembler. Le message, c'est la société tout entière qui à cet instant a de quoi remplir les cases laissées libres. Kennedy s'est fait assassiner. L'Amérique est comme renversée. On attribue un prix des droits civiques à Dylan. Il est tellement bourré quand il monte à la tribune pour remercier. La seule chose qu'il trouve à dire, c'est qu'un jour, le monde ne sera plus dirigé par des vieux chauves à cravate. Et qu'il comprend l'assassin de Kennedy. Il veut dire qu'ils avaient tous, lui et n'importe quel Américain moyen, à porter sur eux et en eux de cet assassinat. Il a fourché. C'est la honte. Il enverra une lettre de justification, mais ne s'excusera pas. Il se débrouillera juste, par la suite, pour ne plus avoir à se retrouver dans ce genre de situation avant l'âge mûr, celui où on le fera docteur honoris causa des grandes universités, quand elles veulent avoir l'air d'être de leur temps. Rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Maintenant, on le demande en concert, et pas en première partie de Joan Baez ou dans les spectacles collectifs de Pete Seeger. Alors, avec ses droits d'auteur, on n'a pas témoignage que ce soit Grossman qui ait payé, Dylan s'offre sa première belle voiture. Une Ford Station Wagon, toute bleue, 4 phares, immense calandre, autoradio, mais pas d'appui-tête ni de ceinture de sécurité. Il a aussi changé sa guitare pour une Gibson de 1930, au son un peu aigre, mais qui traverserait les murs, qui l'accompagnera jusqu'en 1966. Ils sont 4 sur la route. Ils descendront jusqu'en Louisiane, remonteront vers Denver, iront jusqu'à San Francisco en s'arrêtant à Dallas, voir l'endroit où Kennedy a été tué, et rendront visite à Allen Ginsberg. L'aventure qu'il s'était rêvée, voilà que maintenant Dylan se l'offre, mais plus tout à fait en clochard. Pour Bob Dylan, c'est comme une fête. 3 semaines de périple avec des copains semblent compter plus que le succès des disques. Maintenant, plus besoin de frapper à la porte des clubs, on les attend, on le reconnaît. Et apparemment, la foule, il y prend plaisir. Les 3 autres, c'est Paul Clayton, 10 ans de plus que Dylan, chanteur folk puriste, dont les disques sont chez Folkways. C'est sans doute un peu bizarre pour lui de faire l'ouverture pour le nouveau venu, plus célèbre en un clin d'œil que lui ne le sera jamais. On a aussi embarqué Peter Carman, un journaliste, qu'il fichera dehors quand il apprendra que Suze lui a demandé de jouer le chaperon contre les aventures de rencontre. Mais surtout, c'est Victor Maymuds. Maymuds a 6 ans de plus que Dylan. Ses parents sont des militants de gauche, connus du mouvement pour les droits civiques, et dans Greenwich Village, on l'appelle le philosophe. Il deviendra le confident, le chauffeur, organisateur, administrateur de Dylan. Quand on est seul sur la scène, on a besoin de quelqu'un comme ça pour la tournée. On fait grande consommation de Beaujolais, paraît-il. Et c'est aussi l'apparition des petites pilules. On était stoned tout le temps, dira Maymuds. Alors on s'arrange pour que Dylan ne conduise pas trop. De toute façon, il préfère être à l'arrière, sa machine à écrire sur la tablette du siège, écrivant. Clayton, tous les soirs, chante de vieilles chansons, comme Lay Down Your Weary Tune. Dylan prend l'air, les accords, et en fera Chimes of Freedom. Après tout, Clayton n'avait qu'à en faire autant et le faire le premier. Far between sundown's finish and midnight's broken toll, we ducked inside the doorways, thunder went crashing. As majestic bells of bolts struck shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing, flashing for the warriors whose strength is not to fight, flashing for the refugees on the unarmed road of flight, and for each and every underdog soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing, through the city's melted furnace. Unexpectedly we watched, with faces hidden as the walls were tightening, as the echo of the wedding bells before the blowing rain dissolved into the bells of the lightning, tolling for the rebel, tolling for the rake, tolling for the luckless, they are abandoned and forsake, tolling for the outcast, burning constantly at stake. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. On retrouve Joan Baez avec le Pacifique. Elle, c'est en Jaguar qu'elle les rejoint. Et Bob Dylan chantera enfin pour le public de la côte ouest. Mais l'autre événement, c'est en traversant le Colorado. La radio de la voiture est allumée et on entend le dernier Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Ces harmonies qui ne ressemblaient à rien de ce qu'on avait entendu, dira Bob Dylan. Ces accords que nous, on n'aurait jamais mis dans cet ordre. Mahmoud dira qu'il a vu Dylan, à une pause pipi, danser sur le bord de la route, les bras levés, en chantant « I wanna hold your hand » en pleine euphorie. Mais c'était peut-être le Beaujolais. Ce qui est plus sérieux, c'est que Dylan, à Los Angeles, s'achète chez le spécialiste local, Norman Harris, sa première Fender Stratocaster en noir et blanc. De l'électrique, il ne se servira sur disque et sur scène que bien des mois plus tard. Mais le déclic, c'est maintenant, dans l'équipée de ce printemps 1964. On dirait qu'alors tout se bouscule. Robert Zimmerman fait les démarches pour s'appeler officiellement Bob Dylan. Et pour son concert au Carnegie Hall, il fait venir ses parents de Ebbing. Bien normal, après 3 ans de soucis, qu'ils voient l'accueil qu'on fait désormais à leur fils. Seulement un journaliste du Times les repère. Et on apprend tout d'un coup que Dylan n'est pas orphelin, qu'il est de Ebbing, Minnesota, d'une famille tout ce qu'il y a d'honorable, vendeur d'électroménager. Après tout, rien de grave. Sauf ce mot, orphelin. Il avait toujours prétendu être orphelin. Il ne l'est pas, et ça on n'aime pas. Cela n'entravera pas la carrière de Dylan, mais désormais, pour toute sa vie, il a appris qu'à la presse on ne doit rien dire qu'on ne maîtrise pas. Et pour ceux qui le connaissent, maman ou le petit frère compris, silence, tant pis pour nous. Go away from my window, leave at your own chosen speed. La veine des chansons qui montrent du doigt, les finger pointing songs, ne s'est pas tarie. Il y a Ballad of Hollis Brown, à propos d'un fait divers, un père qui tue ses enfants parce qu'ils ont faim. Mais l'oscillation de Dylan sur laquelle il ne s'est pas expliqué, on dirait bien que c'est encore plus loin. Et si son rôle n'était pas d'être chanteur, mais poète? Et si sur la machine à écrire qu'on mobilise plus longtemps que la guitare, on s'engageait vers un livre? Dylan, intérieurement, a basculé dans un monde où l'écriture passe avant le bard. No, it ain't me, baby. are looking for, babe. Au printemps, à nouveau l'Europe. Attendons les nouveaux tomes promis de ces chroniques, qui ne fonctionnent pas de façon chronologique. Peut-être nous parlera-t-il de son premier séjour à Paris, la ville de Villon et Rimbaud, hébergé par Hugo Frey. On se moque de lui parce que la première fois qu'il mange un camembert, c'est à la petite cuillère. Puis départ pour Berlin, avec un copain américain, Mason Offenburg, dans un petit camping-car Volkswagen, 70 km/h. Berlin, la ville de Brecht, la ville depuis 2 ans enfermée dans son mur, comme s'il fallait toucher du doigt les frontières politiques du monde. Mais quand on passe côté est, c'est un jour férié, tout est fermé. Il s'offre même une semaine de vacances, en Grèce, peut-être avec celle qui deviendra la chanteuse Nico. On ne l'imagine pas se baigner, ni se bronzer, ni même visiter. Mais il a la machine à écrire, puisqu'il revient avec les chansons toutes neuves du 4e disque, le disque du retournement, Another Side of Bob Dylan. Singulier même dans le mode d'enregistrement. Jusqu'ici, on enregistrait aux heures de bureau. Il exige de Columbia de disposer du studio toute une nuit. Elle suffira, dit-il, pour enregistrer le nouveau disque. Maintenant, ce n'est plus le rageur garçon du folk, mais le musicien mûr, affrontant seul sa propre légende et affirmant que le bard, les images dans la tête, les délires, les rêves, ce qu'on voit du monde, ce n'est pas seulement les manifestations pour les droits civiques, comme cet ultime adieu à Suze et sa sœur Carla, l'adieu injuste de Ballad in Plain D. All is gone, all is gone, admit it, take flight. Tout est fini, l'accepter et s'enfuir. Des larmes dans les yeux et bâillonné 2 fois. La cervelle estropiée, je courais dans la nuit. J'ai laissé derrière moi toutes ces cendres de l'amour. Le vent secoue la fenêtre, la chambre est trempée. Les mots pour dire que je m'excuse, je ne les ai pas trouvés. The wind knocks my window. The room, it is wet. Oh, mes amis de la prison qui me demandiez, c'est bon, comment c'est bon, la liberté retrouvée, n'avoir à répondre que le mystère. Est-ce que les oiseaux sont libres, les chaînes du ciel? La seule chanson dont Dylan dira plus tard qu'il la regrette parce qu'injuste. La seule fois où il concédera que ce qu'on extrait de soi pour le crier puisse concerner ceux qui étaient aussi en vous au moment du cri. From the prison, they ask unto me, how good does it feel to be free? Jean-François Néolier, Julien Douminck, Ella Marder, Annabelle Brouard, Claude Guerre. Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Un feuilleton en 15 épisodes, written and talked, écrit et raconté par François Bon. Demain, 9e épisode. On rapporte tout à la maison.